Enfants de tout pays, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves est à la technique, assisté d'une charmante stagiaire qui répond au prénom de Camille. Et puis, au studio, eh bien, des invités. Il s'agit de Dominique et de Serge, qui ne sont autres que des anciens animateurs d'une radio qui n'existe plus et dont je vous ai déjà parlé, qui était Radio Frisson. Bonjour Dominique. Bonjour Daniel. Et bonjour Serge. Bonjour Daniel. Voilà. Eh bien, la programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage à Lyon, trois coups de pouce à Sylvain Areg, une promenade avec des chanteuses et chanteurs lyonnais, et le tout étoilé de Zouk Antillé. Dominique, je vais te proposer quelque chose. Allez, on y va. Bon, quand je t'ai connu il y a, allez, on le dit, il y a 35 ans. Oula, oula. C'est une retrouvaille de 35 ans, les enfants, aujourd'hui. Oula. Bon, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Bon. On ne fait pas le calcul, on oublie, hein. T'étais partant dans tous les défis. Eh bien, je te propose aujourd'hui de co-présenter l'émission sur Lyon que nous allons faire en duo. Pas de souci, je t'accompagne. Tu m'accompagnes ? Allez. Au Zouk ? Au Zouk. Alors, Zouk, ton cœur de louve, mon instinct de guerrier, les sentiments s'ouvrent. La passion, je pense qu'elle y est. Un tout nouveau Zouk de Dezay ne part pas Dezay. Le tout d'un monde et non. dédicace particulière pour cette émission d'aujourd'hui. Voilà, je voudrais dédier cette émission à Judith et Cécile, deux auditrices de Lyon. Ben Lyon, parlons-en. Lyon, préfecture de la région Rhône-Alpes-Auvergne, se situe à la jonction des fleuves Rhône et Saône, un troisième dont on parlera peut-être, le Beaujolais. Une population de 520 000 habitants dans une agglomération de 2 300 000 habitants. Et les villes importantes de l'agglomération sont Villeurbanne qui compte 140 000 habitants, Vénissieux 60 000 habitants, Vaux-en-Velin 50 000 habitants, Caluire, Saint-Priest, Hébron 40 000 habitants. Lyon est devenue une ville historique commerciale et une place financière de tout premier ordre à la Renaissance. Sa prospérité économique a été portée successivement par la soierie, puis par l'apparition des industries textiles, chimiques et les industries de l'image. Et Lyon possède également un patrimoine historique, architectural et gastronomique remarquable, comme l'attestent de nombreux titres officiels décernés à la ville. Lyon, capitale des Gaules. Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Lyon, capitale de la résistance. Lyon, capitale de la soie. Lyon, capitale des roses. Elle est également capitale du cinéma. La froideur des Lyonnais. Ah, on en parle. C'est vrai ça, ils sont lents à la détente, les Lyonnais. Ah, l'amitié ne se donne pas au premier regard. Hein. Ah non, non. Mais lorsque cette amitié existe, c'est pour longtemps. Un disque qui gratte un peu, il gratte même beaucoup, mais il a le mérite d'exister. Le Rhône et la Saône, Henri Georges. Prince charmant qui se nomme le Rhône, enfant de l'Helvétie et des glaciers géants. Il se rend à Lyon pour emporter la Saône vers les rivages bleus des vastes océans. Il est depuis toujours amoureux de la belle. Un jour il a crié ses désirs, son espoir au messager le vent. Il s'en allait vers elle et la Saône a dit oui dans la brise du soir. Parmi les montagnes altières, le Rhône va majestueux, dédaignant les belles rivières qui lui font de tendres aveux. Dans une folle randonnée, n'écoutant que son cœur jaloux vers sa fiancée adorée, le Rhône court au rendez-vous. La Saône est une fille à l'âme poétique, elle aime à musarder dans l'ombre des bosquets. Heureuse et le sourire au décor romantique de la fière Bourgogne et du gai Beaujolais. Elle fait miroiter sur sa taille bien faite sa robe d'émeraude aux paillettes d'argent et s'en va doucement. Elle veut la coquette se faire désirer par celui qui l'attend. Elle rêve au seuil des guinguettes qui chantent des refrains d'amour. Elle a parfois des amourettes avec les ruisseaux d'alentour. Mais jamais elle ne se donne, car son cœur a déjà choisi. Son seul amant sera le Rhône. Elle ne veut aimer que lui. Et le Rhône et la Saône, au pied de la Croix-Rousse, arrivent à Lyon, chacun de leur côté. Lui toujours plus ardent, elle encore plus douce, resplendissant tous deux de grâce et de beauté. Ils vont l'un près de l'autre et sans se voir ils passent tout le long de Lyon qui leur offre son cœur. Les fiancés enfin se trouvent et s'enlacent, ivres de volupté

t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Car je peux rêver de toi. Y'a pas moyen quand nous sortons de rentrer à une heure normale. Tu demeures frais comme un gardon, moi je m'éteins et deviens pâle. Mais le matin y'a plus personne, je me fais un mauvais sang fou. Papa t'en ronron, toi tu ronronnes, oubliant tous tes rendez-vous. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Car je peux rêver de toi. Pardon mon amour de te dire tout ça, mais viendra le jour où tu le verras. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Car je peux rêver de toi. Quand tu es loin, le temps me dure, je repense à nos discussions. Tes intentions me semblent pures, je finis par te donner raison. J'idéalise notre amour, ne te trouvant que des vertus. Mais lorsque tu es de retour, je comprends que parfois l'on tue. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas. Car je peux rêver de toi. Je t'aime encore plus quand t'es contre moi. J'ai chaud, je suis bien dans tes bras. Je ferme les yeux, je ne parle pas, mais je peux rêver. Que faire à Lyon ? Eh bien, Daniel, à Lyon, il y a un très beau point de vue sur Lyon, et c'est l'esplanade de la colline de Fourvière. Admirez l'imposante basilique de Fourvière, une forteresse religieuse dominée par la statue de l'Immaculée Conception, en bronze doré, n'est-ce pas ? Elle rend hommage à la Vierge Marie, qui aurait protégé les Lyonnais de la peste et du choléra au XVIIe siècle. Et depuis ? Chaque 8 décembre, les habitants célèbrent la fête des Lumières. Et c'est pour ça que de temps en temps, même à Dombasle sur Meurthe, on voit des bougies sur des balcons. On se demande bien à quoi ça sert. Ben c'est ça, ni plus ni moins la tradition des Lumières de Lyon qui émigre jusqu'à Saint-Nicolas-de-Port, jusqu'à Dombasle sur Meurthe. On se dirige ensuite, là on est à Lyon, hein, pas très loin de là, au Parc des Hauteurs, et au théâtre antique gallo-romain, le plus ancien de France. Ah, le vieux de Lyon ! On y accède par la rue de l'Anticaille, puis la montée Saint-Barthélemy. Et au passage, il faut absolument découvrir l'horloge astronomique de la cathédrale Saint-Jean. Ensuite, on ira se perdre dans les traboules, passage secret entre les immeubles, et finir en flânant le long des quais de Saône, et en admirant les façades médiévales de la Renaissance. La colline de la Croix-Rousse, des jolis points de vue, des cafés-théâtres, des placettes, des escaliers dérobés et des ateliers d'artistes. C'est ici que les canuts travaillaient autrefois le tissage de la soie, un art à découvrir à la maison des canuts. Le marché alimentaire, tous les matins, sauf le lundi, le long du boulevard de la Croix-Rousse, une centaine de commerces animent joyeusement les fêtes de produits locaux. En allant vers les quais de Saône, on croise les anciennes usines de Vaise, réhabilitées souvent en cinéma, et en direction de l'île Barbe, un site médiéval, petit paradis de verdure, très agréable pour le promeneur. La presqu'île de Lyon, sur les bords du Rhône, pour se rendre au parc de la Tête d'Or, véritable poumon vert des Lyonnais avec un lac, un zoo, une roseraie et un jardin botanique. Et en plus, vous pourrez assister au spectacle de Guignol. Ah, Guignol, Guignol et Niafron, deux personnages indissociables de la ville de Lyon. Et puis la place Bellecour, la troisième plus grande place de France, où trône la statue équestre de Louis XIV. Et pour le shopping, traversez la place des Jacobins, la place des Célestins, jusqu'à la place des Taureaux, où jaillit la fontaine de Burin. On pourra s'attarder au musée des Beaux-Arts, voire dans les coulisses de l'opéra. Le quartier de la Presqu'île est particulièrement animé la nuit et on pourra dîner dans un des bouchons de la rue des Marronniers. Ah, les bouchons lyonnais. L'entrecôte sauce marchand de vin, m'en parle pas. Et plus tard, Daniel, dans la soirée, allez. Les fêtards se retrouvent rue Sainte-Catherine, au pied des pentes de la Croix-Rousse. Ben oui, on ira chanter au pied dans le plat. Hein, les chansons gaillardes, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit. Oui. Les chansons gaillardes? Oui, les chansons gaillardes. Ben, allez, on va dire paillardes également. Oh, paillardes beaucoup, oui. Allez, en point d'orgue de ce secteur, en pleine mutation, on ne manquera pas de visiter le musée des Confluences, dédié à l'histoire naturelle et aux sociétés du monde. Alors celui-là, on ne peut pas le rater avec, avec la forme qu'il a. Il est inratable. Allez, Lyon, ma ville, Jacqueline Dorion. Sautant sur le trottoir, passé pour la marelle, dans les tabliers noirs, dans les rires, les querelles, avec d'autres enfants, je revois mes 12 ans. Et les rues de ma ville. Le 14 juillet, quand la vieille voisine sur sa vaste poitrine m'apprenait à valser, dans les rues pavoisées, les rues illuminées, dans les rues de ma ville. Un amour le premier, le tramway des bonnets, la statue légendaire du roi sans étrier, partager ma gaieté, les oiseaux ont chanté dans les rues de ma ville. Le Rhône impétueux rugit dans sa colère, mais le flot paresseux de la douce rivière attire les amoureux, les enfants et les vieux sur les quais de ma ville. Le jour, le brouillard de ma ville, aveugle mes espoirs, je voudrais retrouver cet univers perdu, à jamais révolu, mon passé. Deuxième coup de pouce à Sylvain Arègue. Natif de Clermont-Ferrand, Sylvain Arègue réside maintenant en région lyonnaise où il exerce la profession de professeur d'éducation physique et sportive. Si le temps, Sylvain Arègue. Petit à petit m'efface, j'aurais fait de mon mieux pour laisser une trace. Si tu sens que la tristesse tout doucement reprend place, il faut que tu saches que rien ne te remplace. J'ai parcouru le monde, oh oui j'ai voyagé, j'en ai vu des sourires, des moments forts à partager. J'ai rempli mon cœur de tous ces moments qu'on avait changés. Et même si je le pouvais, pour rien je ne changerais. Si le temps, si les années petit à petit m'effacent, j'aurais fait de mon mieux pour laisser une trace. Si tu sens que la tristesse tout doucement reprend place, il faut que tu saches que rien ne te remplace. J'ai voyagé, j'ai vu le monde, j'en ai fait le tour. J'ai partagé des moments forts, j'ai gaimé sans détour. J'ai baroudé au fin fond des villes, dans les faubourgs. Autour d'un verre, j'ai chanté comme je le fais toujours. Un petit air, un petit rien, une mélodie qui nous fait du bien, qui nous réchauffe le cœur, même si de chez nous on est loin. Dans un car, dans une cave, dans un bar ou un train, on reste des sales gosses, mais crois-moi ça j'y tiens. Si le temps, si les années petit à petit m'effacent, j'aurais fait de mon mieux pour laisser une trace. Si tu sens que la tristesse tout doucement reprend place,

lyonnais est une variante régionale fortement influencée par le franco-provençal, dont la langue lyonnaise, bien sûr, est un dialecte qui était parlé autrefois dans la ville de Lyon. Et beaucoup entretenu par le théâtre de Guignol, une institution lyonnaise, et par la mère Cotivet, oh, les anciens s'en souviennent. C'est l'humoriste Élie Périgaud-Fauquier qui a sévi 44 ans sur les ondes de Radio Lyon. Il passait tous les mercredis matin. Et certains mots, certains verbes et certaines expressions sont toujours utilisés couramment dans la conversation des Lyonnais. Quelques exemples qui ont la vie dure. Allez Dominique, j'espère que tu as révisé les mots, le parler lyonnais. Et on va essayer de ne pas le parler avec le parler lorrain. Ah oui, on va essayer d'oublier l'accent. On va essayer d'oublier notre accent. Allez, les âniers, c'est quoi? Ce sont les éboueurs. Les écovilles. Les balayures. Une bambane. Un paresseux. Oula. Les belamélines. Les chéris. Oui, c'était un mercredi prochain, les belamélines qui disaient la mère cultivée. Un bocon. Une mauvaise odeur. Oui. Emboconner. Répandre une mauvaise odeur. Être à cacabozon. Être accroupi. Oui, un canu. Un tisseur de soie. Une carotte rouge. Une betterave. Oui, alors là, je vous assure, je vous mets au défi à Lyon d'entendre parler de betterave. On parlera toujours de carotte rouge. Le corniolon. Le gosier. Un cuchon. Un tas. La doucette. La salade mâche, ça on connaît. Une fenotte. Une femme. La ficelle. Ah, tu sais pas là. Non, non. Je sèche. La ficelle, c'est le funiculaire lyonnais qui permet de monter à Fourvière. D'accord. Frouiller. Tricher. Ouais. Un gagné. Un idiot. Oui. Un gonne. Un enfant. Eh oui, on va amener le gonne à la vogue. Un miron. Un chat. Une panosse. Une serpillière. Se faire péter la miaille. S'embrasser. Une poutronne. Une poupée. Ou une femme de mauvaise vie aussi. Hein. Ah oui. Allez, oui, une poutronne. Une poupée, c'est plus joli. Une traboule. Un passage à travers les cours d'immeubles. La vogue. Fête foraine. Oui. Alors à Lyon, personne ne va à la fête foraine. Tout le monde va à la vogue, alors c'est bien connu. Lyon Presqu'île, Benjamin Biolay. Avec ceux que je chéris, chéris que j'aime. Et puis, regardez pousser le lierre, la guitare en bandoulière. Même si je ne suis pas hippie, hippie, hippie chic, mais quand même. Je serai dilettante, mort de rire, en sentant la mort venir. Du moins j'espère, j'espère. Je serai dilettante à temps partiel, jusqu'à l'autre bout du ciel. Du moins j'espère, j'espère. Au revoir. Troisième coup de pouce à Sylvain Haric. Un titre fédérateur où il est question d'être unis. On va refaire le monde, toute la nuit jusqu'à demain. Profite de chaque seconde, n'hésite pas un instant et viens. Alors il faut choisir de boire le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. L'essentiel est d'être ensemble en pensant à rien. Allez, on est bien Tintin. On va refaire le monde, Sylvain Reg. Viens, on fait un dessin. Super, viens, on va refaire le monde. Mais moi, je veux faire le plus beau dessin du monde. Avec du soleil, de la mer et des souvenirs. On s'était pourtant promis de ne pas finir, devenir comme eux. On avait dit que la routine, c'était quelque chose pour les vieux. Mais le temps a fait son effet, l'important c'est d'être heureux. Alors t'es parti de ton côté, ouais, chacun a fait son mieux. Les promesses de gosses sont belles, comment les tenir dans un monde de grands. Tout ne s'est pas passé comme prévu, la faute à un manque de cran. Aujourd'hui on a fait du chemin, t'as fait de la route, t'as pris des coups. Les regrets c'est un par un, qu'on va leur tordre le cou. On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profitez de chaque seconde, n'hésite pas un instant et viens. On peut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. L'essentiel c'est d'être ensemble en ne pensant à rien. On est bien. On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profitez de chaque seconde, n'hésite pas un instant et viens. On peut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. L'essentiel c'est d'être ensemble en pensant à rien. On est bien. Il n'est jamais trop tard pour viser la lune, rêver d'aller autre part. On a toute la nuit, toute la vie pour se réveiller. Tant qu'on est ensemble, non, rien ne pourra nous effrayer. Les mauvaises pensées on élimine, on va rester positif. On va repousser les limites, les autres on s'en fiche tant que l'on kiffe. Ce qui est sûr c'est que sur le chemin, on va se prendre des coups. Mais les obstacles c'est un par un, qu'on va leur tordre le cou. On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profitez de chaque seconde, n'hésite pas un instant et viens. On peut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. L'essentiel c'est d'être ensemble en pensant à rien. On est bien. On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profitez de chaque seconde, n'hésite pas un instant et viens. On peut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. L'essentiel c'est d'être ensemble en pensant à rien. On est bien. Comprends bien qu'il ne faut pas grand chose pour être bien. Si j'y mets du mien, alors si tu tiens, tu verras qu'à la fin tout ira bien. Oh, oh, oh. On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profitez de chaque seconde, n'hésite pas un instant et viens. Faut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. L'essentiel c'est d'être ensemble. Profitez de chaque seconde, n'hésite pas un instant. L'affaire Louis Trio est un groupe de musique français créé en 1982 à Lyon. Et en 1987, ce groupe remporte la victoire de la musique de la révélation masculine. Hubert Mounier, le chanteur, il nous a quittés en 2016 à la suite d'une rupture aortique. Bois ton café. L'affaire Louis Trio. Liane Folly est une chanteuse, actrice, imitatrice et animatrice audiovisuelle française, née dans le 7e arrondissement de Lyon. C'est une artiste particulièrement engagée. Engagée dans le concert des enfoirés. La lutte contre le sida. Et le Stade de France. La publicité pour un certain jambon. Jambon. Qui lutte contre la commercialisation, c'est pas facile ça, non. Des fourrures d'animaux domestiques. Marraine du Téléthon, en 2007, je cherche le nom de la marque du jambon. Allez, vous allez trouver, va. Marraine de l'équipe de France du football féminin en 2013. Elle chante aussi, on a tous le droit, Liane Folly. On a le droit, quand personne nous voit, de pleurer en silence, de regretter son enfance, de se laisser aller en regardant tomber la pluie. On a le droit, quand personne nous croit, de sortir sa violence. Tous ces mots qu'on dit pas mais qu'on pense, de parler à Dieu, de parler à qui on veut. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route. on a le droit, quand rien, plus rien ne va, de chercher son étoile, de jeter l'encre de son journal, de changer sa vie, de quitter l'ennui, et puis on a le droit, et qui nous en empêchera de rêver d'un monde un peu moins laid, de rêver d'un monde où on pourrait rien qu'une fois, tous vous et moi, avoir tous le droit. Et si on parlait de choses sérieuses, bien sûr, Monsieur Paul n'est plus là, alors on va parler de la gastronomie lyonnaise. Il nous faudrait beaucoup plus d'une émission pour parler des spécialités lyonnaises, mais en voilà une petite sélection. Oui, la recette de Lyon et son cousin, le Jésus de Lyon, c'est le summum des saucissons. Les gratons, c'est un plat de résidus grillés de graisse et de viande de porc. Il faut aimer, mais les Lyonnais en raffolent. La salade lyonnaise, une salade frisée, des lardons et un œuf poché par-dessus. Le saucisson brioché, une jolie brioche bien moelleuse que l'on garnit de saucisson à cuire. Et puis le tablier de sapeur, un rectangle de gras double mariné dans du vin blanc, pané et frit. Le poulet Célestine. Tout de suite, tu vois, j'ai l'impression de m'emballer là quand je parle. Oui, tu le sens déjà la voix. Oui. Le poulet Célestine. Le poulet de Bresse, du beurre, des champignons, des tomates épluchées et épépinées, de l'ail, du persil, bouillon de volaille, 20 minutes, non c'est pas ça, 20 minutes au four, vin blanc, cognac, poivre et sel. Les quenelles, le fleuron de la gastronomie lyonnaise, nature ou au brochet, à la sauce Nantua, une sauce aux écrevisses, c'est meilleur. Le fromage, le Saint-Marcelin et son cousin, le Saint... Ça parle tous ces petits mots-là. Hein. Le Saint-Félicien au lait des vaches et à la pâte molle. La cervelle de Canu, c'est du fromage blanc avec des herbes aromatiques hachées. Échalote avec un seul thé. Sel, poivre, huile d'olive s'accompagne de pain grillé ou de purée de pommes de terre. Et pour clôturer, la tarte aux pralines. On la reconnaît grâce à l'élégante couleur rouge de sa garniture à la crème et aux jolies pralines roses. Et puis il y a les bugnes. Ouais. Ah, les beignets de pâte frite et poudrés de sucre. Et puis en boisson, bien sûr, le Beaujolais, le Beaujolais pif, qui bénéficie de l'appellation village ou pas. C'est en tout cas le troisième fleuve qui coule à Lyon. Les canuts, Yves Montand. Et moi, je vais manger ma petite salade de carottes. Chantez Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour